douce, ma douce. Dans tes cheveux, c'est plein d'amour dans mes poumons. Je t'avais rêvé de mon mieux, puis je t'ai eu dans ma maison. Jamais je n'aurais pu prévoir que la vie serait si donnante quand on a trop broyé de noir. On s'éblouit quand l'aube chante douce, ma douce. Ma douce, t'es allée plus loin que mes rêves, les plus débridés, les plus fous. Par toi, mon âme se soulève, je me nourris du cœur de nous. On s'est reconnus dans la nuit, quand ta voix m'a dit mon amour, fini pour moi la morne vie, pour jusqu'à la fin de mes jours. Douce, ma douce. Ma douce. J'avais déjà un peu trop. J'ai toujours su que je t'aimais d'un amour au-delà des mots. Tu m'as replacé sur ma route, moi qui dormais depuis longtemps. Tu m'as fait secouer mes doutes.